Section 45 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Bidou. La lecture, tome 2e, section 45, la montre de Tuteremu, par Charles Moncelet. Bon, excellent, naïf parisien ce Tuteremu, parisien des pieds à la tête. Parisien qui aurait pu servir de modèle à Arnal, à Paul de Kock, à Gavarni, à Henri Monnier et à Daumier. Un incident dramatique devait marquer dans l'existence si placide de Tuteremu. Un jour, on lui vola sa montre et sa chaîne. À la chaîne était appendu un médaillon dans l'intérieur duquel une main amie avait fait graver une fleur, une pensée. Ah, cette pensée! Il y avait là tout un poème cher à Tuteremu. Ce qui lui rendait sa montre excessivement précieuse. Mais comment la lui avait-on volée? Où la lui avait-on volée? Dans un établissement de bain froid, sur la Seine, à ce qu'affirmait Tuteremu. Son désespoir ne peut se décrire. Il était allé faire immédiatement sa déclaration à la préfecture de police, où on lui avait promis, assez nonchalamment, de procéder à des recherches. Les recherches de la préfecture étaient restées sans résultat. Pendant plusieurs jours, on vit Tuteremu parcourir Paris dans tous les sens. Fiévreux, hagard, regardant chaque passant au gilet, il cherchait sa montre. Course folle. Qui le croirait? Au bout d'un mois, dans un après-midi de dimanche, Tuteremu reconnut sa montre et sa chaîne sur le ventre rebondi d'un monsieur qui traversait le boulevard à la hauteur de l'opéra. Tuteremu crut défaillir de joie. Il se mit à filer prudemment son monsieur, tout en regardant de côté et d'autre sur le trottoir, pour requérir l'assistance d'un sergent de ville. Mais au moment où il s'y attendait le moins, le monsieur filait, sauta sur le marchepied d'un omnibus avec une agilité qui n'aurait pas fait supposer son embonpoint et s'engouffra dans les flancs du véhicule qui continua à rouler vers la Bastille. Stupéfait, Tuteremu courut après l'omnibus. Il était complet. Tuteremu n'eut que le temps de se jeter dans un fiacre en ordonnant au cocher de suivre l'omnibus. Après avoir été 20 fois séparés par les embarras du boulevard, les deux équipages arrivèrent ensemble à destination. Tuteremu eut la chance, en sautant de voiture, de se trouver nez à nez avec un sergent de ville. « Je vous prie, lui dit-il, et au besoin vous requiert de me prêter main forte. » Puis, accompagné de cette image de l'autorité, il se dirigea vers le gros monsieur au moment où il descendait de l'omnibus. C'était un personnage d'une apparence tout à fait respectable, rubicon, les yeux saillants, amplement vêtu. Son visage respirait un contentement sans mélange. « Monsieur, lui dit Tuteremu, vous portez sur vous une montre et une chaîne qui m'ont été volées il y a juste un mois. » Le gros monsieur recula, et sa physionomie exprima une surprise sincère. « Est-ce possible ? » dit-il. « J'en suis sûr !» Le sergent de ville à Tuteremu. « Vous pouvez fournir la preuve de ce que vous avancez ?»« Parfaitement. Ouvrez le médaillon. Il y a dedans une fleur gravée, une pensée. »« C'est vrai ?» dit l'agent après vérification. « Suivez-moi tous deux chez le commissaire de police. » « Avec enthousiasme !» s'écria Tuteremu. « Diable !» fit le gros monsieur. « Moi qui allais dîner en ville, heureusement que le bureau n'est qu'à 2 pas » ajouta-t-il en homme à qui l'arrondissement était familier. Le bureau n'était qu'à 2 pas, en effet. Précisément, le commissaire de police s'y trouvait, par un de ces hasards inouïs que je ne me charge pas d'expliquer. « Tiens, vous voilà, monsieur Boisse !» dit-il avec un empressement en apercevant le gros monsieur. « Comme vous voyez, mon cher !» répondit celui-ci. « Je dîne ce soir chez vos voisins, monsieur et madame Liévois. » Et moi aussi, comme cela se trouve ! S'écria le commissaire de police. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir, je vous en prie. Tuteremu demeura debout, étonné. Qu'est-ce qui me procure le plaisir de votre visite, mon cher monsieur Boisse ? Tuteremu crut alors devoir prendre la parole. Monsieur le commissaire ! Je ne vous parle pas ! Dit celui-ci en paraissant s'apercevoir pour la première fois de la présence de Tuteremu. Mais cependant ! Je m'adresse à monsieur Boisse. Parlez, monsieur Boisse. Monsieur Boisse dit, en se renversant dans sa chaise. « C'est bien simple. »« Pas si simple que ça !» murmura Tuteremu. « Silence !» Monsieur Boisse continua. « Monsieur m'accuse tout bonnement de lui avoir volé sa montre et sa chaîne. Ah, »« Ha ah, ah, fit le commissaire de police en s'esclaffant de rire. Ah, « Ha ah, ha ah, firent le clerc du commissaire et le sergent de ville par imitation. Tuteremu se sentit déconcerté. « Je n'ai pas dit cela » répliqua-t-il. « J'ai dit que monsieur avait sur lui une montre et une chaîne qui m'ont été volées il y a un mois. » « C'est différent, en effet !» dit le commissaire en se remettant. « Mais votre affirmation n'en demeure pas moins fort grave. Monsieur Boisse est un de nos commerçants les plus considérés, placé à la tête d'une importante maison de bretelles. »« En gros ?»« Occupant plus de 50 ouvriers. »« Et faisant 100 000 francs d'affaires par an !» ajouta superbement Monsieur Boisse. « Il me paraît difficile, » reprit le commissaire de police, « de l'assimiler à un, comment dirais-je, à un vulgaire pickpocket. » Les rires faillirent recommencer. Monsieur Bouas les arrêta d'un geste plein de noblesse. Il venait de fouiller dans la poche de son habit. « Je remercie monsieur le commissaire de la bonne opinion qu'il a de moi. Le hasard me sert justement à souhait. Voici la facture qui justifie de l'achat que j'ai fait de cette montre. Il y a une semaine, chez mon horloger habituel, rue Amelot. » Il tendit le papier au commissaire, qui après y avoir jeté un coup d'œil pour la forme, le lui rendit respectueusement. « Eh bien ?»« Monsieur est en règle. »« Ah !» fit Teuteremu. « Complètement en règle. » « Soit, » dit Teuteremu, « mais cela ne prouve pas que ma montre ne m'a été volée. »« Nous entrons dans un autre ordre d'idées, » répondit le commissaire. « Entrons-y, c'est celui qui m'intéresse. »« Il vous reste votre recours contre l'horloger de la rue Amelot. » « Ah !» dit Teuteremu. « Oui, adressez-vous au parquet. »« Fort bien, je vous remercie. Mais entendant, ma montre. » « La montre, vous voulez dire ?»« Elle reste dans le gilet de monsieur ?» dit Teuteremu. « Absolument, » répondit le commissaire de police. « Il l'a payé, il a sa facture, le reste ne me regarde pas. Adressez-vous au parquet. »« Mon cher monsieur Bouas, je suis vraiment désolé. »« Pas du tout, » dit le gros homme en se décidant à se lever de sa chaise. « À tout à l'heure, n'est-ce pas ? Chez les Liévois, » fit le commissaire. Puis à Teuteremu. « Vous êtes libre. » Pour le coup, Teuteremu eut un soubresaut. « Comment ? On ne me traîne pas en prison ? » dit-il ironiquement. « On ne me charge pas de chaîne, est-ce possible ? Je suis libre ! Libre ! Moi ! On ne m'arrête pas pour avoir réclamé ma montre ! Ma montre ! Ma montre ! » !»« Allez, mon ami, le grand air calmera votre exaltation, » dit le commissaire de police avec un ton de bienveillance. Sur le seuil, M. Boisse dit à Teuteremu. « Je ne vous en veux pas. Ces choses-là arrivent journellement, tout le monde peut se tromper. »« Et je ne me trompe pas. »« Venez me voir un de ces jours, voici mon adresse. » « Certes, j'irai !» grinça Teuteremu entre ses dents. Teuteremu se précipita au parquet. Une enquête fut ordonnée, mais inutilement. L'horloger de la rue Amelot était des plus estimables. Il tenait la montre, la chaîne et le médaillon d'un autre honnête homme de ses amis. Celui-ci la tenait d'une dame veuve, qui malheureusement était partie depuis quelques jours pour la Belgique. On dut renoncer à l'enquête. Ce fut alors qu'un jour, harassé, accablé, Teuteremu se rendit chez M. Boisse. « Pourquoi ?» Il n'en savait rien, ou plutôt si, il voulait revoir sa montre. Il retrouva, dans le riche fabricant de bretelles, l'homme épanoui et cordial qu'il avait appris à connaître à ses dépens. Boisse invita Teuteremu à dîner. À partir de ce moment, ce fut entre eux une intimité qui alla en grandissant et qui bientôt ne connut plus de limites. De temps en temps, aux heures d'expansion bachique, Teuteremu disait à Boisse « Rends-moi ma montre !»« Jamais de la vie !» répondait Boisse qui était intraitable sur ce point, et il recommençait à boire. Un soir, enfin, qu'ils avaient bu un peu plus que de coutume et de raison, et que Boisse, vaincu par le sommeil, s'était laissé choir sous la table, Teuteremu, tenté par le démon, se hasarda à glisser une main sur le gilet de son ami. Il décrocha la montre, objet de ses continuelles revendications. Que vous dirais-je ? La scène se passait dans un restaurant public. Teuteremu fut vu et arrêté. On le traduisit en police correctionnelle. Grâce à ses bons antécédents, il ne fut condamné qu'à 6 mois de prison pour avoir volé sa montre. Ah, la justice. Fin de la section 45.